Ils vont même bien plus loin, hein. Certains politiques ont même cité que ces personnes-là devraient effectivement être éliminées. Je parle bien de certains politiques Azov, hein, qui n'ont pas hésité à dire que les personnes sur cette liste devraient être éliminées et devraient servir la cause. Ça, c'est extrêmement grave. Voilà, pour moi, au niveau international, ceci doit être condamné, même au niveau de l'ONU. Des enquêtes internationales, ce site doit être condamné et toutes les personnes comme moi hein, qui ont été mises sur cette liste devraient être protégées immédiatement. Nous avons vu les attentats, nous avons vu les personnes mourir de cette liste. Et bizarrement, et moi je tiens à le souligner, hein, vous savez que le gouvernement français ne me protège toujours pas. Afrique Média, le monde, c'est nous.